Deuxième livre de Samuel, chapitre 15. Or il arriva après cela qu'Absalom se pourvut de chariots, et de chevaux, et il avait 50 archers qui marchaient devant lui. Et Absalom se levait le matin, et se tenait à côté du chemin qui allait vers la porte, et s'il y avait quelqu'un qui eut quelque affaire, pour laquelle il fallut aller vers le roi afin de demander justice, Absalom l'appelait, et lui disait, « De quelle ville es-tu ? » Et il répondait, « Ton serviteur est d'une telle tribu d'Israël. » Et Absalom lui disait, « Regarde, ta cause est bonne et droite, mais tu n'as personne qui ait ordre du roi de t'entendre. » Absalom disait encore, « Oh, que ne m'établit-on pour juge dans le pays, et tout homme qui aurait des procès, et qui aurait droit, viendrait vers moi, et je lui ferai justice. » Il arrivait aussi que quand quelqu'un s'approchait de lui pour se prosterner devant lui, il lui tendait sa main, et le prenait, et le baisait. Absalom en faisait ainsi à tous ceux d'Israël, qui venaient vers le roi pour avoir justice, et Absalom gagnait les cœurs de ceux d'Israël. Et il arriva au bout de 40 ans, qu'Absalom dit au roi, « Je te prie que je m'en aille à Hébron pour m'acquitter de mon vœu que j'ai voué à l'Éternel. » Car quand ton serviteur demeurait à Gezur en Syrie, il fit un vœu, en disant, « Si l'Éternel me ramène pour être en repos à Jérusalem, j'en témoignerai ma reconnaissance à l'Éternel. » Et le roi lui répondit, « Va en paix. » Il se leva donc et s'en alla à Hébron. Or Absalom avait envoyé dans toutes les tribus d'Israël des gens apostés, pour dire, « Aussitôt que vous aurez entendu le son de la trompette, dites, Absalom est établi roi à Hébron. » Et 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités, s'en allèrent avec Absalom, et ils y allaient dans la simplicité de leur cœur, ne sachant rien de cette affaire. Absalom envoya aussi appeler, quand il offrait ses sacrifices, Achitophel Guilonite, conseiller de David, de sa ville de Guilo, et la conjuration devint plus puissante, parce que le peuple allait en augmentant avec Absalom. Alors il vint à David un messager, qui lui dit, tous ceux d'Israël ont leur cœur tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, et fuyons, car nous ne saurions échapper devant Absalom. Hâtez-vous d'aller, de peur qu'il ne se hâte, qu'il ne nous atteigne, qu'il ne fasse venir le mal sur nous, et qu'il ne frappe la ville au tranchant de l'épée. » Et les serviteurs du roi répondirent au roi, « Tes serviteurs sont prêts à faire, tout ce que le roi notre Seigneur trouvera bon. » Le roi donc sortit, et toute sa maison le suivait, mais le roi laissa 10 femmes, qui étaient ses concubines, pour garder la maison. Le roi donc sortit, et tout le peuple le suivait, et ils s'arrêtèrent en un lieu éloigné. Et tous ses serviteurs marchaient à côté de lui, et tous les Kérétiens, et tous les Pélétiens, et tous les Guitiens, qui étaient 600 hommes venus de Gath, pour être à sa suite, marchaient devant le roi. Mais le roi dit à Ittaï, Guitien, « Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous, retourne-t'en, et demeure avec le roi, car tu es étranger, et même tu vas retourner bientôt en ton lieu. Tu ne fais que de venir, et te ferai-je aujourd'hui aller en ça et là avec nous, car quant à moi, je m'en vais où je pourrai, retourne-t'en et remène tes frères, que la gratuité et la vérité soient avec toi. » Mais Ittaï répondit au roi, en disant, « L'Éternel est vivant, et le roi mon Seigneur vit. Qu'en quelque lieu où le roi mon Seigneur sera, soit à la mort, soit à la vie, ton serviteur y sera aussi. » David donc dit à Ittaï, « Viens, et marche. » Alors Ittaï Guitien marcha avec tous ses gens, et tous ses petits-enfants qui étaient avec lui. Et tout le pays pleurait à grands cris, et tout le peuple passait plus avant, puis le roi passa le torrent de Cédron, et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin tirant vers le désert. Là aussi était Sado avec tous les Lévites, qui portaient l'arche de l'Alliance de Dieu, et ils posèrent la l'arche de Dieu, et Abiathar monta pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Et le roi dit à Sado, « Reporte l'arche de Dieu dans la ville, si j'ai trouvé grâce devant l'Éternel il me ramènera, et me la fera voir, avec son tabernacle. Que s'il me dit ainsi, je ne prends point de plaisir en toi, me voici, qu'il fasse de moi ce qu'il lui semblera bon. » Le roi dit encore au sacrificateur Tsado, « N'es-tu pas le voyant, retourne-t'en en paix à la ville, et à Ima ton fils, et Jonathan fils d'Abiathar, vos deux fils avec vous. Regardez, je m'en vais demeurer dans les campagnes du désert, jusqu'à ce qu'on vienne m'apporter des nouvelles de votre part. » Sado donc et Abiathar reportèrent l'arche de Dieu à Jérusalem, et demeurèrent là. Et David montait par la montée des Oliviers, et en montant il pleurait, et il avait la tête couverte, et marchait nu-pied, tout le peuple aussi qui était avec lui, montait chacun ayant sa tête couverte, et en montant il pleurait. Alors on fit ce rapport à David, et on lui dit, Achitophel est parmi ceux qui ont conjuré avec Absalom. Et David dit, je te prie, ô Éternel, assolis le conseil d'Achitophel. Et il arriva que quand David fut venu jusqu'au sommet de la montagne, là où il se prosterna devant Dieu, voici qu'Usaï Archite vint au devant de lui, ayant ses habits déchirés, et de la terre sur sa tête. Et David lui dit, tu me seras à charge, si tu passes plus avant avec moi. Mais si tu t'en retournes à la ville, et si tu dis à Absalom, ô roi, je serai ton serviteur, et comme j'ai été dès longtemps serviteur de ton père, je serai maintenant ton serviteur, tu dissiperas le conseil d'Achitophel. Et les sacrificateurs Tsado et Abiathar, ne seront-ils pas là avec toi, de sorte que tout ce que tu auras entendu de la maison du roi, tu le rapporteras aux sacrificateurs Tsado et Abiathar. Voici leurs deux fils, Ahima fils de Tsado, et Jonathan fils d'Abiathar, sont là avec eux, vous m'apprendrez par eux tout ce que vous aurez entendu. Ainsi qu'Usaï l'intime ami de David retourna dans la ville, et Absalom vint à Jérusalem.